Ça va bien? Ouais, on va commencer cet été. Je dirais pas une nouvelle série, mais une série qu'on a déjà faite ça fait longtemps, mais qu'on est dû de revoir. Je trouve intéressant, je voyage beaucoup. Fait que je vais dans différentes compagnies, puis on va regarder. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mon rôle, c'est de coacher les gens, d'aller dans. Mettre les énergies ensemble. Énergie, pas dans le sens ésotérique, là. Mettre leurs efforts ensemble pour accomplir les objectifs de l'entreprise. Puis quand je fais ça, ben, je les regarde. Puis, ben oui, je peux vous aider peut-être à atteindre les objectifs de votre organisation. Mais plus fondamentalement, je leur dis tout le temps, c'est pas la compagnie que je vais coacher, c'est vous autres qui êtes devant moi. Fait que j'essaie de passer aussi en même temps des messages. Qui vont leur être utiles dans leur vie personnelle. Je fais la même chose, je vais dans différentes églises aussi. Puis dernièrement, on dirait qu'on a recommencé Chicoutimi, Shawinigan, Saint-Jean, qu'on continue à revoir qu'est-ce qu'ils font, puis pourquoi ils font, puis où est-ce qu'ils s'en vont. Puis là, j'ai plus l'impression que je fais quelque chose d'utile parce que on construit pour l'éternité. Fait que c'est pas juste quelque chose de temporaire ou de qui dépend d'eux autres aujourd'hui, mais c'est vraiment l'œuvre de Jésus-Christ de quoi on parle. Fait que, dans ce contexte-là, Omar est venu avec moi, Gilles est venu avec moi, Benoît est venu avec moi, Christian est venu avec moi, Michel est déjà venu avec moi. Dernière fois, c'est Omar et son épouse Paula qui est venu avec moi, puis Danny, on est allé à Chicoutimi, puis à Shawinigan aussi, puis on regardait un peu le travail que je fais, dans le fond, là, mais avec ces églises-là, puis qu'est-ce qui se passe dans les églises. Puis, c'est intéressant de regarder ce qui se passe parce que pas différent à Saint-Hilaire, là. C'est pas différent ailleurs. C'est des enfants de Dieu qui veulent marcher selon la volonté de Dieu, mais en même temps qui se laissent enfarger par le monde puis tout ce que le monde a à offrir. Fait que c'est intéressant. Fait que, en tout cas, en même temps, ben, ça met en lumière un petit peu nous, qu'est-ce qu'on fait ici. Puis moi, j'en profite pour me re-questionner, puis j'ose avec les anciens de ce que le Seigneur me montre. Puis là, Omar était là la dernière fois, puis il dit ça serait intéressant qu'on refasse le même exercice chez nous. L'exercice qu'on a fait il y a 10 ans, qu'on le refasse, parce qu'il y a du monde nouveau, puis il y a du monde parti, puis peut-être qu'on a oublié les choses. Exemple, le petit poster qu'il y a là-bas sur le mur, là, il y a 10 ans, là, on le connaissait parce qu'on a travaillé dessus. Ceux qui ont travaillé dessus, puis même l'Église, puis on a mis ça dans nos statuts et règlements. Mais je posais la question à Shawinigan il y a un mois, est-ce que vous vous rappelez vos valeurs? Il y a 10 ans qu'ils ont fait l'exercice. Personne n'était capable de les dire. Tu vois, 10 ans plus tard, là, ça fait pas 10 ans. Parce que pendant 3, 4, 5 ans, ils s'en rappelaient. Maintenant, on oublie. Je ne poserai pas la question matin, là. Mais ce qu'on va faire cet été, c'est qu'on va repasser les 10 valeurs, une par une. Je vous encourage à les lire en sortant. On va les lire une par une, juste pour dire, ça s'applique-tu à nous? Tantôt, je jasais avec Madeleine dans le corridor. C'est quoi que tu dis, Madeleine, par rapport aux jeunes d'aujourd'hui? T'en rappelles? Non, mais c'est ça, on dit. Est-ce que tout le monde entend ça, à l'autre bout, vous entendez? Hein? C'est ça. Fait que comment dire à quelqu'un que qu'est-ce qu'il fait est absolument inutile? Vanité des vanités, tout est vanité. Il y a juste une chose qui compte, c'est l'éternité. Puis le chemin pour l'éternité, c'est Jésus-Christ. Fait que si on peut parler. Mm-hmm. Amen. Fait que sur cette base-là, non, parce que c'est vraiment ça, là, la vie, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut regarder, tout, en fait, on peut facilement aussi se comparer à ce qui se passe autour de nous, là, regarder ailleurs, puis comparer. Alors que tout ce que le Seigneur demande, c'est qu'on fasse sa volonté. Fait que j'aimerais ça vous emmener dans un texte qu'on a déjà vu, dans Luc 14, au verset 25. Puis, pour certains, on remarche du vieux stock. Moi, je ne m'étonne pas de relire du vieux stock. Fait que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Puis, à chaque fois qu'on la lit, on peut apprendre quelque chose. Mais j'aimerais ça retourner sur Luc 14, 25. Parce que, en fait, on est dans l'Évangile de Jean présentement, là, qu'on va mettre une pause. On met une pause maintenant. L'Évangile de Jean, c'est écrit par qui? Je dis. Ben, en fait, le texte dit quoi? Il dit pas Jean, il dit le disciple que Jésus aimait. Fait que c'est un disciple qui raconte comment Jésus l'a aimé. Fait que il donne plein de témoignages de l'amour de Christ, puis il nous dit ça afin qu'on croie, nous aussi, que Christ est mort pour nous, OK? Qu'on croit, puis qu'on ait la vie éternelle à cause de ça. Et donc, le mot qui m'accrochait, moi, c'était le disciple. Alors, si on va dans Luc 14, 25, on va lire ensemble jusqu'à 35. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou, quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Fait qu'on peut parler de l'Église, on peut parler de plein de sujets, mais l'Église, le corps de Christ est composé de personnes, et chacune de ces personnes-là est appelée à être un disciple de Jésus-Christ. En fait, la vraie Église de Jésus-Christ est composée de disciples. Fait qu'on va considérer 4 conditions dans ce texte-là, là, qui nous amènent à vraiment prendre une décision pour Christ. Et si on a pris cette décision-là, ben revoir la décision qu'on a prise. Ça serait intéressant de se rappeler nos vœux de mariage une fois de temps en temps, se rappeler ce qu'on a dit quand on s'est fait baptiser, s'en rappeler une fois de temps en temps, se rappeler les paroles, les promesses qu'on fait à Jésus une fois de temps en temps. C'est juste nous dire, « Ouais, j'ai déjà dit ça à Dieu, hein? J'ai déjà dit ça à Jésus, j'ai déjà promis ça. » Puis, pourquoi c'est important de regarder ces 4 conditions-là? Parce qu'elles ne viennent pas de nous, elles nous viennent de Christ. Et puis, elles sont pas négociables. Puis, elles sont assez exécutoire, je dirais, là. Fait que tout ça, hein, c'est pour nous amener, nous, à considérer, OK, à aligner nos priorités sur celles de Christ, puis à avoir le courage de nos convictions dans la parole de Dieu, puis d'en payer le prix maintenant, puis à toujours. C'est vraiment ça le sujet. Un disciple. Ça n'existe pas, là, un vrai disciple de Jésus-Christ, là. Si on prend la notion de vrai disciple de Jésus-Christ, ça veut dire qu'on accepte le fait qu'il y a des disciples de Jésus-Christ qui sont pas vraiment des disciples de Jésus-Christ. Ben, ça se peut pas. C'est où tu es vraiment un disciple de Jésus-Christ ou tu fais semblant. Ou tu es clairement opposé, là. Mais si tu fais semblant, c'est dangereux. Alors, si on lit le texte parti morceau, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il y a plein de monde, tout comparé à aujourd'hui, OK? Mais à l'époque, là, La manière que ça marchait, c'est que quelqu'un qui avait des doctrines, qui enseignait, qui était réputé, qui était un bon enseignant, ben, il n'y avait pas la télévision et la radio comme aujourd'hui, là, puis il n'y avait pas des lieux spécifiques comme aujourd'hui. Fait que quand ils passaient leur maître, ben, les gens le suivaient, marchaient en arrière. Puis quand ils s'arrêtaient, ben, ils pouvaient parler avec. Puis beaucoup espéraient, en marchant derrière Jésus, d'être choisis par Jésus, comme ils espéraient d'être choisis par d'autres maîtres, des fois. Ils espéraient être choisis par lui. Pourquoi? Parce que s'ils étaient choisis, ben, ils pouvaient s'asseoir avec, puis jaser avec. Sinon, ben, ils faisaient juste suivre puis observer, mais ils n'avaient pas le privilège de jaser. Alors, eux autres, ils suivaient en arrière, parce qu'ils voulaient être associés à lui. Puis, il était très populaire, Jésus, puis il faisait ce que les autres ne faisaient pas. Il faisait des miracles, il ressuscitait des morts, il guérissait, puis il parlait. Quand il parlait avec autorité, comme personne n'a jamais parlé. Fait que tout le monde voulait le suivre. Fait que là, il se retourne, puis il leur dit... En fait, c'est ça, il marche, une foule qui suit, il arrête, il se retourne, puis il les regarde. Fait que là, ils sont tous, OK, qu'est-ce qu'il y a à dire? Puis là... Il leur dit, si quelqu'un vient à moi, et il va leur expliquer ce que ça veut dire venir à moi. Fait qu'écoutez, là, si vous êtes en arrière, là, vous marchez, là, il arrête, puis il dit, si quelqu'un veut me suivre, là, est-ce que vous savez le prix que ça va vous coûter? Vous voulez vraiment me suivre, là? Est-ce que vous savez où je m'en vais, premièrement? Moi, je sais où je m'en vais. Je sais exactement où je m'en vais. Chaque pas que je fais, je sais que je suis en train d'attiser la colère des pharisiens et des chefs juifs et que je m'en vais à la croix parce que je dis, je fais la volonté de mon Père. Je fais exactement ce qu'il me demande, je vais où il me demande, je dis ce que j'ai à dire et ça, là, ça attise leur colère. OK? Et en même temps, ce que je suis en train de faire, c'est de vous dire à vous qui me suivez, ceux qui veulent vraiment me suivre, là, voici ce que ça va vous coûter. Et quand vous me regardez, c'est une chose, mais si vous voulez vraiment venir à la même place que moi, là, ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter le même prix que ça m'a coûté. Le même prix. Est-ce que ça vous tente toujours de me suivre? Imaginez-vous que vous êtes dans la foule. Là. Fait qu'il va leur dire quatre conditions pour graduer de son école à lui. Haïr les siens. Mais en fait, il ne dit pas des haïr. Il dit les faire passer en deuxième. Mais si vous faites passer les vôtres en deuxième, ça se pourrait qu'ils sentent que vous ne les aimez pas comme ils voudraient que vous les aimiez. Il dit aussi d'haïr ta propre vie, la faire passer en deuxième. En fait, lui, il va le faire, hein? Puis la faire passer en deuxième, là, c'est jusqu'au bout. Faire passer ma famille en deuxième, là, c'est jusqu'au bout. Troisième condition, c'est de porter ta croix. Puis c'est pas une image. Et la quatrième, c'est de le suivre. Fait que la première des conditions, il dit, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, il ne peut être mon disciple. À qui est-ce qu'il parle Jésus? Tu sais qu'on a déjà fait cet exercice-là, là? Juste le rappeler à la mémoire. À qui il parle? OK, alors faites la série ensemble, OK? S'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs. Dans le texte ici, là, le mot mari n'est pas là. Il parle aux hommes. Est-ce qu'il parle juste aux hommes? Non, il ne parle pas juste aux hommes, mais il parle premièrement aux hommes. Et il faut le comprendre, ça, parce que c'est très important dans la façon dont Dieu a conçu le monde et comme manière dont il veut donner l'exemple de Christ et l'Église, il le fait au travers d'une manière. Et le plan de Dieu, il est parfait si on veut le comprendre puis le suivre. Là, le texte, c'est pas juste pour les hommes en matin, là, c'est pour tout le monde. Mais il faut comprendre qu'ici, Jésus, il parle aux hommes. Pourquoi il parle aux hommes? Parce que on est en Israël, c'est un peuple juif. Le peuple juif, c'est un peuple patriarcal, c'est un peuple où l'homme gère tout. Tout, tout, tout. Fait que si l'homme change d'attitude, change de cœur, par défaut, tout le reste de la société va changer, là. La preuve, c'est qu'on changeait un roi en Israël, puis tout changeait. Un roi changeait l'attitude d'Israël. On montait des statues sur des montagnes ou on les défaisait. Un roi pouvait changer complètement un peuple. des exemples qu'on aurait de ça, c'est Abraham, premièrement, quand il est touché, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, Abraham, quand il va faire son alliance, Dieu va faire l'alliance avec Abraham, il va dire à Abraham, aujourd'hui, là, en signe d'alliance, tu vas te circoncire. Et non seulement toi-même, mais tous les hommes, tes fils, tous ceux qui sont tes serviteurs, tous les hommes de ta maison vont être circoncis la même journée. Dieu, il parle à Abraham seul. Imagine, là, un matin, tu sais, Dieu parlerait là, tellement clair, là. Il parlait à Abraham tout seul. Abraham va se circoncire. Il va circoncire son fils et tous les hommes de son peuple le même jour. Vous irez voir le texte, là. Le même jour, ils sont tous circoncis. Pourquoi? Parce que Abraham, le patriarche, est circoncis. Il obéit à Dieu, le reste suit. L'homme est patriarche, il est chef de tribu, il est chef de clan, il est chef de famille. Même toute la prêtrise puis le Sanhédrin, c'est tous des hommes. Ça veut dire, peut-être, que les femmes devraient arrêter d'écouter. Bon, non. Parce que, en le disant aux hommes, il dit à tout le monde. Parce que l'homme étant l'image, l'orgueil du pays, si l'homme s'humilie devant Dieu, ben tout ce qui lui appartient va s'humilier devant Dieu. En fait, là, à part d'Abraham, Dieu va dire à Corneille, quand Corneille, c'est-à-dire, va être sauvé, quand Pierre va aller vers Corneille, puis il va annoncer l'Évangile, Corneille va, et toute sa maison, recevoir l'Évangile et être baptisé. Quand, je pense que Pierre et Silas, quand ils sont en prison, et là, le geôlier va demander, comment je peux faire pour être sauvé? Il répond, crois au nom du Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. OK? Toi et toute ta maison. C'est comme ça marche. Ça veut dire donc que ça s'applique à tout le monde, aux hommes, aux femmes, aux enfants. Mais c'est important de comprendre le rôle de chacun. Et là, il va dire, tu veux me suivre? Ben laisse tout ce que tu as toujours chéri et dont tu fais ton sujet de gloire et suis-moi. Jésus leur dit pas de ne pas aimer leur famille, il dit de les faire passer en deuxième. Si vous lisez les instructions dans Éphésiens 5 et 6, il va dire, à presque toutes les phrases à partir de la fin de 5 et 6, il va dire, il va parler aux hommes, il va parler aux femmes, il va parler aux enfants, il va parler aux maîtres, il va parler aux serviteurs, puis il va dire toujours, faites ceci comme pour le Seigneur, faites-le selon le Seigneur. Tout ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur. Fait que ce soit mari, femme, enfant, maître, serviteur, tout le monde, c'est de le faire comme le Seigneur a demandé. Dans Deutéronome, au chapitre 6, verset 1, juste pour dire comment c'est vraiment donné à quelqu'un, là. Voici le commandement, les prescriptions et les règles que le Seigneur, votre Dieu, a ordonné de vous apprendre, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays vers lequel vous passez pour en prendre possession, afin que tu craignes le Seigneur, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements, ceux que j'institue pour toi et que tes jours se prolongent. Si tu le fais, tu le vis tous les jours de ta vie, tu l'enseignes à ton fils et tu t'assures que c'est enseigné à ton petit-fils. Si tu fais ça, garde, tes jours vont se prolonger. Tu écouteras donc Israël et tu veilleras à mettre en pratique afin que tu sois heureux, que vous vous multipliez et deveniez très nombreux, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères, dans ce pays ruisselant de lait et de miel. Est-ce qu'on peut appliquer ça à l'Église? Si les enfants de Dieu obéissent dans l'Église aujourd'hui à la parole de Dieu, est-ce que Dieu peut bénir cette Église-là comme il veut le faire? Mais il y a un prépayé. Jésus ne demande rien de ce que lui-même a jamais fait. Il ne demande pas ce qu'il n'a pas fait. Puis, à trois reprises, lui-même, il va se distancer de sa mère. Puis de ses frères, qui vont le reprendre. Parce qu'il s'en va à la croix, parce qu'il fait des miracles. Et lui, là, il va pas se laisser arrêter à cause de ça. Pas qu'il les aime pas. Il les aime. Preuve, Jacques, l'évangile de Jacques. Pas évangile. L'épître selon Jacques. L'épître selon Jude. Deux frères de Jésus. OK? À la croix, Jésus va demander à Jean de s'occuper de sa mère Marie. Il va dire à Marie, laisse Jean s'occuper de toi. C'est ça qu'il va faire. C'est pas qu'il les néglige, mais il va faire autre chose. Il fait la volonté de son Père. Juste vous donner quelques exemples. Dans Matthieu 12, 48, Marie et ses frères vont venir le rencontrer. Jésus répond à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Même chose dans Marc 3. Et dans Luc 8, 21, il dit, « Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, qui sont ma mère et mes frères. » Puis à nous, il demande la même chose, de prendre soin des notes. Je ne vais pas le lire, là, mais dans 1 Timothée 5, 1 à 5, 1 à 8 en fait, là, nous exhorte à prendre soin les uns des autres dans l'Église. Puis dans l'Église, s'il y a de la famille, de prendre premièrement soin de la famille charnelle dans l'Église, parce que si tu fais pas ça, tu as renié les principes de la foi puis tu es pire qu'un infidèle. Fait que il veut faire passer la parole de Dieu, il veut qu'on fasse passer la parole de Dieu en premier, mais en même temps, il veut qu'on prenne soin des nôtres. Mais il veut qu'on prenne soin des nôtres selon la parole de Dieu, pas selon l'aspect humain, pas selon les valeurs humaines. Fait que tout un débat ici là, de comment on fait ça. Nous, on est la famille de Dieu. Et si je regardais dans l'Église, là, pour les couples, il y a toutes sortes de conflits là, aujourd'hui là, entre le soccer, les activités en dehors de la maison, ton travail, tes affaires que tu veux faire, tes loisirs, puis tu as la vie d'Église. Est-ce que c'est pas possible d'intégrer les deux, de faire quelque chose ensemble tout le monde? Pour les personnes seules, qui soupirent peut-être après quelqu'un d'autre, est-ce que c'est pas possible que l'Église réponde à ce vide-là? Je sais bien qu'humainement parlant, la réponse est non, mais bibliquement parlant, la réponse est oui. Pour les jeunes, tu as tout ce que tes amis font, veulent faire, etc. Mais c'est pas possible d'intégrer toi, ta jeunesse, dans la vie de l'Église, puis de faire quelque chose inspiré par le Seigneur, guidé par le Seigneur, dans le corps de Christ ici, puis peut-être plus large aussi, là. Mais premièrement ici. Ça, c'est la première condition que Jésus leur pose. Êtes-vous prêts à tout mettre de côté du point de vue famille pour me suivre? Pas que je veux que vous négligiez votre famille, mais je veux que moi, je passe en premier. C'est ça que Dieu dit. La deuxième des conditions, il dit, s'il ne hait pas même sa propre vie, au verset 26, il ne peut être mon disciple. Comment Jésus peut demander ça, là, d'haïr sa propre vie? Il est la tête du corps de l'Église. Puis la tête, elle, c'est la volonté. C'est le siège de la volonté. C'est le siège de la connaissance. La parole de Dieu, puis de désirer obéir à son Père. Lui, la tête, il est allé à la croix pour nous. Il est la tête du corps de l'Église. Lui, il s'est donné librement. Nous, ensemble, on fait quoi? Jean 3, 16. Car Dieu, qui l'a donné, la vie éternelle. C'est ça qu'il a fait, hein? Ça, c'est le maître, ça, c'est la tête. 1 Jean 3, 16. Vous voulez aller le lire? Je pense que ça vaut la peine. 1 Jean 3, 16. En se rappelant que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous. Et lui, il dit, regardez, où je vais, là? Vous aussi, c'est là que vous venez venir? Vraiment, vous voulez me suivre? 1 Jean 3, 16. Nous avons connu l'amour. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors ici, Jean dit, à propos des disciples, nous, on a connu l'amour. Qui ça? Christ. Comment? En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Les frères. L'Église, là, c'est pas un bâtiment, c'est pas une place où je vais, c'est pas des traditions, c'est pas des rituels. L'Église, là, c'est les frères et les sœurs. Et Christ est mort pour les frères et les sœurs. Alors, s'il est mort pour les frères et les sœurs, il nous demande à nous aussi de mourir pour les frères et les sœurs. Et ça coûte cher. c'est j'arrête de demander, j'arrête d'exiger, j'arrête de vouloir quelque chose, puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse là où je suis? C'est tout. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Il y a en masse de choses à faire dans le corps de Christ pour être occupé à temps plein, tout le monde. Alors, les deux paraboles qu'on a dans le texte, là, qui continuent, là, sont pas là juste comme par hasard. Les deux paraboles sont carrément reliées avec le prix à payer de suivre Jésus. La première des deux a dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. » Appliquons ce texte-là là, à notre engagement personnel. Je dis, OK, c'est beau, j'y vais, Seigneur, je marche par la foi, je m'investis, puis là, il arrive un paquet d'affaires. Est-ce que je vais persévérer? Est-ce que je suis en train de persévérer ou j'ai débarqué? Ou je suis en train de débarquer? Est-ce que je suis 100% investi dans le corps de Christ ou ben non, je suis assis sur le côté puis je regarde voir ce qui se passe? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Tu peux passer, on a tout connu, là, tu peux passer du temps à parler de Dieu, même enseigner la parole de Dieu. Il arrive des affaires dans ta vie, puis tu débarques. Puis les gens qui te regardaient disaient, « Ah, mais toi, tu n'étais pas un chrétien, tu sais. Tu n'allais pas, Jésus, c'était pas ton Seigneur, tu sais, puis ça. » Puis là, ben oui, mais non, j'ai débarqué, non, ça marche pas, non, c'est plus vrai, ou je sais pas quoi, là, tu sais. Hey! Pendant des années, là, tu marchais, puis là, tu ne marches plus. C'est ça que le Seigneur dit. Êtes-vous sûr que vous voulez me suivre? Vraiment? Avez-vous considéré le prix? La troisième des conditions, il dit, si quelqu'un vient à moi, ne porte pas sa croix, ne peut être mon disciple. De quoi il parle, ne porte pas sa croix? Il ne parle pas de la croix de bois, là. Il parle, ne porte pas sa croix. Ta croix à toi. Ta croix à toi, là, personne ne peut la porter à ta place. Pour le juif, quand Jésus disait ça, là, porter sa croix, hey, imaginez-vous, là, vous retournez, je suppose que vous avez déjà vu des films de guerre, les Romains, tout ça comme accès, là, des vieux films, là. Tu vois les gens pendus à des poteaux ou pendus carrément par une corde, sont laissés à manger par les oiseaux, mais les autres, au moins, étaient morts. Ben, pendu sur une croix, là, t'étais pas mort. Tu pouvais être 3 jours, 4 jours, 2, 3, 4 jours, là, en train d'agoniser. Puis les oiseaux te mangeaient vivant, là. Non, mais c'est ça. Fait que là, les autres, ils disent, Jésus leur parle de la croix, là. Ils disent, hey, ça n'a pas d'allure. De quoi tu parles? Tu veux qu'on se fasse crucifier? Oublie ça, là. Mais il dit, à chacun qui veut le suivre, tu vas payer le prix. Parce que moi, je vais le payer, puis vous allez le payer, chacun à sa manière. Alors, est-ce que vous êtes prêt à le payer? Le prix d'être rejeté, d'être méprisé, d'être frappé par ceux que vous aimez, que vous aimeriez qui vous aiment, parce que vous voulez marcher droit dans le Seigneur, parce que vous voulez mettre en pratique la parole de Dieu, même si vous ne comprenez pas à 100% tout ce que ça veut dire. À Antioche, là, Les chrétiens, les saints qui étaient à Antioche, ils étaient appelés chrétiens. Ils étaient appelés chrétiens par qui? Par les autres chrétiens, par les saints? Non. Par qui? Les gens du peuple. Ils les appelaient chrétiens, pourquoi? Par rapport à Christ, hein? Chacun d'eux, tout seul ou ensemble, ils ressemblaient à Christ. Fait qu'à cause qu'ils ressemblaient à Christ, on leur criait des noms, on les appelait des... Les petits, on les appelait les chrétiens. OK? Ça va? C'est ça qu'il disait. Les petits, Christ. Semblables à Christ. Chacun, individuellement ou collectivement. Parce que quand ils se faisaient ramasser, là, pour être brûlés ou mis au lion, whatever, la fosse au lion, ou juste refuser des emplois, refuser des services, peu importe, là, c'est simplement parce que, individuellement, ils étaient associés à Christ. C'est vraiment ça, là. Fait que, ensemble, ils formaient une communauté de chrétiens. Ils étaient tous pareils, semblables à Christ, puis ils n'avaient pas honte à l'être, puis en plus, ils étaient prêts à mourir parce qu'ils étaient comme ça. Alors, porter la croix, pour eux, signifiait d'accepter d'être ridiculisé, maltraité, calomnié, parce que non seulement ils s'affichaient comme disciples de Jésus, pas juste le dire, ils le faisaient en prenant position pour la parole de Dieu, peu importe le prix. Fait que ça peut nous arriver dans nos familles, ça nous arrive peut-être. Ça peut nous arriver, malheureusement, entre saints, entre les églises. On va se comparer, on va se dire toutes sortes d'affaires. Puis, la question est, moi, personnellement, puis ceux avec qui je me tiens, est-ce que Christ passe en premier? On est disciple ou on ne l'est pas? Alors, est-ce que vous recherchez une vie paisible, une vie sans trouble, une vie sans chicane, une vie où il y a un faux semblant de paix, là, superficiel, puis en dedans, bon, on a fait plein de compromis, ou est-ce que vous voulez plaire au Seigneur en faisant exactement ce qu'il dit, quand il dit, où il le dit, comme il le dit, peu importe le prix? Alors, après avoir lu, entendu, médité sur la parole de Dieu, quand l'Esprit de Dieu t'aura convaincu d'agir d'une certaine manière, puis que cette conviction-là va te demander un changement dans ta vie, puis que tu vas décider de marcher selon cette conviction-là, sache que ceux qui ne cherchent pas à plaire à Dieu dans toute leur voie, ou en tout cas pas dans ce domaine-là, ils n'en seront peut-être pas heureux. Puis il est fort probable qu'ils te mettent en question toi, puis qu'ils résonnent avec toi, puis qu'ils te résistent en face, ou encore, qu'ils fassent campagne contre toi. Ça va t'arriver dans ta maison, dans ta famille élargie, ça veut dire oui, même dans l'église, à ton travail, à l'école, tes voisins. Ça peut venir de plusieurs personnes, ça peut venir de sous différentes formes. Qu'est-ce que tu vas faire? Ici, Jésus, il parle aux hommes parce qu'ils sont le moteur de la société. Et si eux ne sont pas prêts à payer le prix, ben le reste ne va pas le payer. C'est à lui que Dieu a donné la responsabilité d'instruire puis de transmettre les préceptes de Dieu. C'est à lui qui a donné d'être le modèle puis de vivre selon le modèle puis de transmettre ces valeurs-là à toute sa famille de père en fils. Pourquoi? Parce que Dieu, le Père, nous donne son instruction à qui? À l'Église, qui est l'épouse de Christ, pour enseigner selon l'instruction qui vient du Père aux nouveau-nés dans la maison de Dieu. Alors, si la mère, l'Église, ne vit pas selon l'instruction du Père, qu'est-ce qu'elle pense qu'elle va enseigner aux nouveau-nés? Est-ce que vous me suivez, tout le monde? C'est à l'homme, parce que c'est le modèle que Dieu a donné. Pas parce que l'homme est plus important aux yeux de Dieu en tant que personne que la femme. Non. Parce que Dieu a donné des rôles à chacun, parce qu'à travers de ces rôles-là, on peut voir Dieu, on peut voir le modèle de l'enseignement dans la parole de Dieu. Alors, si on revient à notre marche, Jésus il marche, il suit, il s'arrête, puis il se retourne, puis il leur dit, « Vous, les hommes, vous qui êtes père, vous qui êtes mari, vous à qui j'ai confié l'autorité, êtes-vous prêts à me faire passer avant tout ce qui vous est cher? Allez-vous me faire passer avant les attentes de vos parents, avant les exigences de votre conjointe, avant les demandes de vos enfants? Qui va enseigner la parole de Dieu dans la famille de Dieu? Qui va donner la priorité à ma maison? Qui va prendre soin de mes enfants? Qui va les perfectionner? Même dans la maison de Dieu. » Dieu le Père veut que l'épouse, l'Église, enseigne ses principes, ses préceptes, sa parole aux nouveau-nés dans l'Église. C'est la même chose dans la maison chez nous. Si je ne le fais pas chez nous, mal placé pour le faire en dehors de chez nous. Si vous allez voir dans comme je l'ai dit, dans Éphésiens, mais À l'homme, Dieu demande d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. À la femme, il demande d'être soumise à son mari comme Christ, comme à Christ, puis de le respecter. Aux enfants, d'obéir à leurs parents comme au Seigneur. Au père, pas à la mère, de ne pas exaspérer les enfants. Le père a le pouvoir, par l'abus d'autorité, par l'intransigeance, d'exaspérer les enfants. La mère a le rôle d'aider les enfants à comprendre l'enseignement qui vient du père et Dieu voulant que cet enseignement-là vient de la parole de Dieu. Et le père et la mère ont intérêt à se mettre d'accord, mais le père doit aimer son épouse en même temps qu'agir comme père, puis l'épouse doit se soumettre à son mari en même temps qu'elle aime ses enfants puis qu'elle veut bien les élever. Pourquoi que c'est comme ça? Vous demanderez à Dieu quand vous le verrez, là. Mais c'est comme ça. Proverbe 1:8. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne délaisse pas l'enseignement de ta mère. Proverbe 6:20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne délaisse pas l'enseignement de ta mère. C'est comme ça. Instruire, c'est donner la direction. Enseigner, c'est expliquer comment on fait ça? Avec quelle attitude? Instruire, c'est dire, c'est comme ça que ça marche, A, B, C, D. Enseigner, c'est dire, c'est A, B, C, D parce que, puis voici comment le faire. Puis chacun son rôle. Appliquez ça à l'Église. Les anciens qui ont le mandat d'enseigner, de prier pour l'Église, garder l'Église. Les croyants matures, qui sont capables d'enseigner aussi par l'exemple, par la façon de servir. Et les nouveaux croyants, qui, eux, cherchent des modèles pour comprendre les Écritures. Seul, là, on ne fait pas le poids, OK? Un par un, là. Mais ce serait le fun que si je dis quelque chose à la maison chez nous, que j'arrive ici, puis que j'entends la même chose, puis que je vois d'autres parents qui font la même chose. Mes enfants, là, ils voient la même chose. Ils disent, oups, pas juste mes parents qui sont comme ça, là. Pas juste mes parents qui sont bornés, qui sont limités. Non, gars, il y a d'autres parents, là. J'exagère quand je dis ça. Non, mais les enfants, c'est comme ça qu'ils voient ça. Est-ce que la parole de Dieu est vivante dans nos vies, vraiment, là? Est-ce qu'on a le courage de nos convictions? Est-ce qu'on est capable de résister à quelqu'un qui vient nous contester parce qu'on insiste sur des principes dans la parole de Dieu. La dernière condition. Il dit, si quelqu'un vient vers moi et ne me suit pas, il ne peut pas être mon disciple. S'approcher, là, c'est venir voir, c'est regarder, c'est lire, c'est évaluer, c'est considérer, c'est peser, c'est voir, sans nécessairement être engagé. Mais suivre, là, c'est quitter quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Fait qu'après avoir observé, après avoir cette approchée de Christ, tu sais, quand on était dans Jean, j'ai oublié le chapitre, là, c'est Jean 6, je pense, quand Jésus, il va dire là, que s'ils ne veulent pas boire son sang, là, ils peuvent pas être ses disciples, là, ils peuvent pas rentrer dans le royaume. Plusieurs des disciples vont dire, oh, cette parole-là est trop dure. C'est Jean 6, ça? Cette parole-là est trop dure. Ils s'en vont, une gang, là. Ils l'ont suivi depuis le début, là. Là, ils s'en vont tous parce que Jésus déclare quelque chose qui est trop dur pour eux de comprendre. Et Christian avait expliqué exactement pourquoi c'était dur pour eux de comprendre, là. Mais là, après ça, Jésus, il regarde les 12 puis il dit, vous autres, vous n'en allez pas? Pourquoi vous n'en allez pas? Parce que, rappelez-vous pourquoi ils ne sont pas partis? Parce que tu as la parole de la vie éternelle. Où, à qui irions-nous? OK? Eux, ils savent c'est qui Jésus. Ils ont choisi de le suivre, puis ils savent le prix qu'ils vont payer, jusqu'à un certain point, là, ils sont en train de le saisir. Il y en a qui vont dire, « Ouais, mais ils n'ont pas vu la mort. » Jésus, il vient les amener en Samarie. Il vient de faire sortir de leur tradition. Il n'arrête pas de péter les traditions une après l'autre devant eux. Il était là avec lui au temple quand Jésus a vidé le temple. Il était là avec lui en Samarie. En plus, il est obligé d'aller tout seul acheter des vivres en Samarie, tout seul, comme juif, en territoire ennemi, façon de parler, puis revenir. Les autres, ils ont été exposés. Ceux qui sont exposés vont prendre position. Les autres qui ne s'exposent pas, ben, ils se sont approchés de Jésus. Le suivre, là, c'est s'exposer. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que je suis prêt à suivre? Psaume 119. Allez-y pas, là, je vais vous lire une couple de passages que je trouve intéressants. Là. Psaume 119, 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi d'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Laisse-moi pas moi-même, Seigneur. Je lis ta parole. Je veux la mettre en pratique. Je veux être capable de m'évaluer moi-même dans mon cœur en regardant ta parole, puis en regardant ce que je fais, puis ce que je pense, puis qu'est-ce que je dis, puis ne pas rougir. C'est ça que je veux faire. Et ça, ça va coûter un prix si tu veux faire ça. Comment est-ce que je peux penser suivre Christ sans faire pleinement partie de l'Église? Colossiens 1:15 nous dit, « Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. » Tout ce que vous voyez autour de vous, les gouvernements, qu'ils soient bons ou pas bons, tout ce qu'on voit, tous les chefs d'entreprise, tous nos patrons, tout le monde, là, c'est Dieu qui les a mis là. Romains 13 qui dit ça, OK? Alors, ils ont tout créé ces choses-là. Tout a été créé par lui, puis pour lui. Comment ces hommes-là, des fois, on se demande, ces gens sont tout gouvernement qui passent des lois qui n'ont pas d'allure. C'est parce qu'eux autres sont peut-être pas d'allure. Mais nous, si on connaît les Écritures, on voit bien que ça n'a pas d'allure. Et si on voit bien que ça n'a pas d'allure, par comparaison, on voit bien que qu'est-ce que Dieu dit a de l'allure. Et si je vois ce que Dieu dit a de l'allure, ça devrait me rassurer de rester collé à Dieu et de faire ce qu'il dit. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant par la paix par lui, par le sang de sa croix. Fait que si Christ est la tête du corps, alors l'Église, c'est quoi? C'est nous, puis Christ ensemble. Alors, si on veut vraiment porter fièrement le nom de chrétien, ben, il faut lui ressembler, parce que sinon, on le déshonore. Alors, en tant qu'individu, on fait partie du corps de Christ. C'est impossible de penser vivre le christianisme en dehors du corps de Christ. Marcher avec Christ, c'est chercher Christ de tout mon cœur, puis chercher à connaître mon Seigneur. C'est m'attendre à lui pour me transformer, pour me rendre vulnérable dans mes faiblesses. C'est de m'attendre à lui, accepter mes faiblesses, me laisser être vulnérable dans mes faiblesses, pas chercher à me protéger, mais le laisser lui faire ce qu'il veut faire. C'est agir avec foi en lui, dans sa parole, dans toutes mes décisions. Fait que, vraiment être un disciple de Christ, là, c'est la question qu'on doit se poser. Parce que je suis qui, moi? Je suis-tu vraiment attaché à lui? J'ai-tu de la misère avec ce que je vois autour de moi? Oui. C'est lui qui est en charge? Est-ce qu'il est souverain? Oui. Est-ce que je comprends tout ce qui arrive? Non. Est-ce qu'il est souverain? Oui. Est-ce que je vais marcher par la foi? Oui ou non? Est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais avoir l'attitude? Est-ce que je vais prendre les décisions que lui demande ou je vais raisonner avec lui parce que ça ne fait pas de bon sens dans ma tête à moi? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça va? C'est une question qu'on doit... Il y a juste chacun de nous personnellement qui peut y répondre. Par contre, ça paraît, quand on est ensemble, le témoignage qu'on donne collectif. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos propres cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Il y a une promesse ici, là. Est-ce qu'on croit vraiment que Dieu peut encore aujourd'hui tout faire? Est-ce qu'on le croit vraiment? Il dit que si on marche un cœur pur devant lui, sans rien pour rougir, qu'il entend nos prières, puis qu'il y répond. Est-ce que Dieu est menteur? Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il a donné. Il n'y a pas d'autre commandement que nous aimer les uns les autres. Il n'y a rien d'autre qui tient la route dans tout ce qu'on peut faire si on ne s'aime pas les uns les autres. Et le diable, hein, il cherche à diviser. Et notre orgueil aussi. Le diable se sert de notre orgueil pour diviser. Alors, si on la met de côté et qu'on fait simplement ce que Dieu demande, simplement, Dieu va bénir. Alors, si je reviens aux deux paraboles, puis je vais finir avec ça. Dieu nous avertit, nous met en garde d'avancer sans avoir vraiment pris une décision ferme. Est-ce que je suis prêt à tout concéder pour lui? Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Est-ce que je me suis vraiment engagé à Christ? De peur qu'après avoir posé les fondements, ils ne puissent l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Puis en fait, si on regarde quelqu'un qui s'est dit enfant de Dieu, puis que d'autres le regardaient parce qu'ils cherchaient à comprendre, et d'autres l'ont découragé, celui-là qui cherchait à comprendre va dire, « Ah, c'est pas plus vrai que d'autres choses, parce que pendant 10 ans, il a parlé du Seigneur, puis là maintenant, tu vois, il est débarqué de la traque, c'est pas mieux. Fait que c'est pas vrai que Dieu garde le monde, c'est pas vrai que Dieu est si bon que ça, parce que je regarde quelqu'un qui vient de débarquer. C'est ça le danger. Puis à l'autre verset, il dit, le prix est si énorme que d'autres vont même négocier ou faire des compromis. Si on va au verset 31, ou quel roi, tantôt il parle aux hommes, là il parle aux chefs, quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient attaquer avec 20 000. Jésus est confronté aux chefs d'Israël, aux pharisiens, aux péchés, à Satan. Il marche vers la croix, puis il va garder le cap. Il nous dit à nous, êtes-vous prêts vraiment à me suivre? C'est parce que marcher vers la croix, là, il va y en avoir du monde pour vous empêcher d'avancer. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez négocier? Si vous êtes pour négocier, là, embarquez pas. Embarquez pas, c'est pas vrai. Pour suivre Jésus, là, pour être un disciple de Jésus-Christ, il faut tout mettre de côté, le mettre en premier. Après, quand je regarde les choses qui sont mes responsabilités dans ce bon monde, je les fais pour le Seigneur, comme au Seigneur. Et si je fais ça, et que je garde le camp, ben, je tomberai pas dans le piège qui est ici de négocier. Parce que là, lui, il négocie. Il dit, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix, pour négocier. La seule paix possible avec Dieu, c'est au travers de Christ. C'est vrai que venir au Seigneur, c'est-à-dire le salut qu'il nous a donné, est gratuit. Mais marcher dans le salut, c'est pas gratuit. Il faut tout concéder. À vue d'homme, là, il n'y a rien à faire. Mais avec Christ, on peut tout faire. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est tout ce qu'il possède, pas juste la moitié ou trois quarts. Suivre Jésus, là, c'est un autre mode de vie. Jésus veut être ta voix. Il te demande de laisser tomber toutes les convoitises du monde, toutes les convoitises du monde, toutes les convoitises du monde, toutes les convoitises, pour s'attacher à son Église. Il nous demande de porter notre croix, chacun, accepter d'être ridiculisé, maltraité, même calomnié par ceux qui sont très, très, très, très proches de nous. Il nous demande d'être prêt à mourir pour son Église. Fait que tout ce que je peux faire, c'est vous exhorter à vous aligner vos priorités sur celles de Dieu, d'avoir le courage de vos convictions, puis d'en payer le prix dès maintenant, à chaque jour, jour après jour, jusqu'à son retour. Amen. Oui.